Go back to bed, America. Your government is in control. Les droits de l'homme? Oh, les droits de la femme? Oh, on s'en fout. Ben, ça paye. Le capitalisme est en train de développer d'effrayantes contradictions. On a vraiment un pouvoir mondial qui est entre les mains d'une poignée de riches. On vit sur du temps emprunté, puis tôt ou tard, il va y avoir un réajustement qui risque de faire mal. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. L'économie doit être au service du reste des liens humains. Mais si on fait rien, c'est sûr que rien ne changera. C'est une rengaine que de parler de la toute-puissance de l'argent. Il est facile d'appeler rengaine la constatation obstinée d'une évidence. Bonjour à tous, ici David Lemelin, bienvenue à Econophile, avec cette voix chaleureuse, gracieuseté d'un rhume bien senti. J'ai jamais fait ça, mais j'ai écrit exactement ce que je pensais, donc je vais lire ce que j'ai écrit sur Facebook, rien de moins. Ça s'intitule « Nous avons les doigts musclés ». C'est facile liker une publication, c'est pas long. C'est plus forçant un peu partager une publication, mais on peut arriver à le faire parfois, ça dépend. Je ne cherche pas ici à culpabiliser les gens, que nenni, je ne fais que regarder les choses en face, franchement, pour réfléchir. Oui, on est plus facilement révolté sur Facebook. On va copier-coller un statut pour signifier notre soutien. Puis une fois que c'est fait, ben on va passer à autre chose et liker l'ami qui a mis une photo de son burger juteux ou de ses nouvelles poignées de salle de bain. Fantastique. Bien sûr, on peut faire bouger des choses avec Facebook, l'histoire l'a démontré. On peut mobiliser des gens, les faire sortir en masse, provoquer la chute d'un gouvernement, c'est possible. Mais ça, c'est peut-être davantage quelque chose comme une exception, pas encore une règle. Nous étions environ 70 personnes à avoir répondu à l'appel dimanche dernier. 70 qui ont cru que l'esclavage était une bonne raison pour nous faire sortir de la maison, pour nous faire sortir de la routine. Ces quelques personnes ont voulu dire, pas seulement via Facebook, mais aussi et surtout avec leurs pieds, en marchant dans un geste solidaire, non à l'esclavage qui existe bel et bien aussi incroyable que ça puisse paraître en Libye, en 2017. Oui, en 2017, il existe encore sur cette terre des endroits dans le monde où on considère l'humain comme une marchandise. Les images ont fait le tour du monde après que l'attention planétaire ait été attirée vers le sort d'Africains vendus en Libye à partir de camps pourtant subventionnés par l'aide internationale, dont l'Union européenne, le Canada, de l'aide envoyée qui se retrouve entre les mains de la milice qui utilise ses ressources pour créer, non pas des camps pour accueillir des réfugiés ou aider les plus défavorisés de notre monde, non, mais bien pour les enfermer afin d'en user comme de la vulgaire marchandise. En 2017, ça existe. Et j'ajoute que le travail forcé est de l'esclavage, hein, et que c'est une réalité encore bien actuelle, même si la Mauritanie est le dernier pays du monde à avoir aboli l'esclavage en 1981, il y a encore plein des millions qui travaillent sous la menace, sous la contrainte, dans la construction, dans les manufactures, dans l'agriculture, dans l'armée. Ne pensez qu'aux enfants, par exemple. On peut faire semblant de rien, hein, on peut détourner le regard, ça c'est sûr. On peut aussi liker, et il faut, les statuts de ceux qui dénoncent. Évidemment, la manif était organisée à la va-vite, à la dernière minute. C'est une décision spontanée, une envie de réagir. Plusieurs auraient sans doute aimé y participer, mais ne l'ont pas su. Certes. Mais j'ai quand même eu un pincement en constatant qu'il était plus difficile de bouger ses pieds que ses pouces. Nous avons les doigts musclés, ça oui. Pour appuyer sur le petit pouce en l'air ou sur le visage fâché de l'émoticône en colère. Mais pour sortir et participer à une manifestation qui dénonce l'esclavage, ouais, bon, d'abord la météo, hein, il faisait mauvais, très, vous l'entendez dans ma voix, il faisait frette, pas froid là, pire encore, frette, c'était humide, froid, puis glacial. J'étais néanmoins incapable d'arrêter de me demander si c'était pas, en même temps, représentatif de l'intérêt que l'on porte collectivement à la chose. Peut-être pas, mais peut-être que si. Pas un politicien, pas un conseiller, rien. Un seul média, sauf erreur. Ça parle. On lit souvent des commentaires de gens qui se demandent si un noir, ça vaut moins cher qu'un blanc. Des humoristes le disent aussi souvent. L'Occident tend à intervenir moins vite, on dirait, quand il est question de la misère des noirs. C'est moins bon pour les ratings et les politiciens en tirent peu de capital politique. C'est peut-être juste une déception toute humaine dont je vous fais part. Mais je veux juste dire que moi, ça me préoccupe l'esclavagisme. Qu'il soit sexuel, qu'il soit pour le travail forcé, qu'il soit pour les hommes, les femmes, les enfants, noirs, pas noirs, peu importe. Je veux juste vous dire que pour moi, un humain n'est pas une marchandise. Point. Et je veux juste vous dire que j'étais fier, très fier de marcher avec vous ce dimanche. J'avais fret au corps, la gorge est enrouée, mais j'avais chaud au cœur, vraiment chaud au cœur. Bienvenue à Iconophile. Nous retrouver sur Internet, les réseaux sociaux, sur le blog, on est là. Vous allez aimer la page sur Facebook pour nous suivre. facebook.com/iconophile891. Et puis, pour trouver le blog, deux façons, il y a le bouton « En savoir davantage » sous le bandeau de notre page Facebook. Ou encore, vous allez sur iconophile.net et vous y arrivez directement. iconophile.net pour lire des textes inspirés de nos discussions ou encore des livres que nous vous présentons. Et puis, vous y trouvez aussi la balado qui donne accès aux trois dernières émissions, ainsi qu'à la totalité des émissions qui sont disponibles dans la section « Émissions ». Jean-Claude Loutier, bonjour. Oui, bonjour, David. Ça se peut que je t'écoute parler pas mal cette semaine. Ben oui, ménage ta voix. Là, on a besoin de toi. Et ça donne un côté deep, par exemple. Mais nos propos aussi vont être deep un peu, si je peux me permettre. Jean-Claude, l'économie circulaire, sujet intéressant, tout à fait cohérent avec tout ce qu'on dit chaque semaine. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est un peu, pas une expression que les gens de mon âge connaissent, c'est un peu une soupe à l'ancienne servie à la moderne. Oui. Pour moi, c'était une découverte jusqu'à un certain point, parce que c'est un concept que j'avais pas tellement entendu parler. Depuis une couple d'années, on entend parler de plus en plus. Puis quand on fouille sur le net, on voit qu'effectivement, ça commence à se répandre dans le monde, le concept. Concept intéressant et je dirais révolutionnaire. On va essayer de mettre l'accent là-dessus tantôt. Tout à fait. Comme j'ai dit sur Facebook, c'est pas un ministre des Finances qui tourne en rond de l'économie circulaire. C'est d'autres choses. Et pour en discuter, nous recevons en studio, et ça c'est rare d'ailleurs, Audrey Roberge, qui est conseillère en économie circulaire au Conseil régional de l'environnement de la région de la Capitale-Nationale. Alors on fera le tour de la question, mais sans tourner en rond, comme je disais. Et puis à 13h40, ce sera la chronique d'Isabelle Vaillancourt qui va nous parler de la valeur économique de nos trottoirs, mais une valeur de société plus largement. Et puis chiffre de la semaine, Jean-Claude, 1,5 milliard. Oui. Réponse en fin d'émission, on n'en dit pas comme, plus que comme ça. Comme d'habitude. Merci. Alors, la voix que vous entendez, c'est Dmitri Vorostovski, qui est décédé à 55 ans seulement, il y a quelques jours à peine. Un ténor russe apprécié de par le monde et par moi-même, ce que j'ai fait exprès de vous le faire entendre un peu. Ça vous donnera peut-être envie d'aller en entendre davantage. Maintenant, parlons tout de suite de notre sujet principal. Je vous présente Audrey Roberge qui est avec nous. Bonjour Audrey. Bonjour David. Très bien, on t'entend bien, merveilleux. Économie circulaire, plaçons les choses très simplement, pas obligé de compliquer, comment c'est très compliqué. Qu'est-ce que c'est que l'économie circulaire, au-delà de la blague plate que j'ai faite en ouverture? Bien, en fait, je pense que vous l'avez nommé, Jean-Claude. L'économie circulaire, c'est pas quelque chose de nécessairement nouveau. En fait, pour moi, l'économie circulaire, c'est l'économie du gros bon sens. Donc, c'est un concept économique qui répond à l'économie linéaire puis à ses principaux enjeux, qui sont d'abord l'épuisement de la ressource ainsi que la production de déchets. Donc, ce que nous propose l'économie circulaire, finalement, c'est un système de production qui permet de conserver les matières en usage le plus longtemps possible. Donc, pour illustrer tout ça, on a un exemple très intéressant qui est la compagnie Loop, qui est une start-up montréalaise qui base son modèle d'affaires sur la fabrication de jus pressés à froid à partir de fruits et légumes qui sont encore très bons à la consommation humaine, mais qui, pour toutes sortes de raisons, étaient destinés à l'enfouissement. Donc, la compagnie produit son jus pressé à froid à partir de ses fruits et légumes qu'elle sauve finalement de l'enfouissement. Et la compagnie ne s'arrête pas là, puisqu'avec son déchet de production, qui sont les fibres des fruits et légumes, est parvenue à trouver une entreprise de fabrication de croquettes pour animaux qui, finalement, ont introduit dans leur recette les fameuses fibres, les résidus de fibres, finalement, des jus pressés à froid de l'entreprise Loop. Donc, qu'on comprenne bien, parce que tu parles d'économie linéaire. Donc, le linéaire, c'est dire on extrait, on fait quelque chose, puis on jette. Là, exactement. On crée un rond avec ça pour dire non, tu le jettes plus, on va le récupérer. C'est ça? Tout à fait. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de créer de la valeur tout au long du cycle de vie de la matière, et ce qui permet de limiter finalement l'extraction et la production de déchets en fin de ligne. Il y a quand même un peu plus aussi. Je sais que ça commence à s'étendre chez nous. C'est quand même pas non plus tout à fait nouveau, même si on a l'impression à notre oreille que c'est nouveau. C'est quelque chose d'un petit peu plus étendu, même à fouiller, là, que je pensais, ben, franchement, l'économie circulaire. Bien, tout à fait, parce que l'économie circulaire, finalement, se décline dans différentes stratégies. Donc, on connaît peut-être plus l'économie de partage, avec l'exemple de Communauto, qui est, dans le fond, l'idée de mettre à profit, dans le fond, les actifs. Donc, l'idée derrière Communauto, c'est de mettre à disposition une seule voiture pour plusieurs usagers. Donc là, on sort un peu de l'idée d'une auto pour une personne, mais une auto pour plusieurs usages. Donc, c'est un peu l'idée derrière là, Communauto. Une autre sorte de stratégie de mise en œuvre de l'économie circulaire, on pourrait parler de l'économie de fonctionnalité. Donc là, on est dans l'idée vraiment d'acheter un service plutôt qu'un bien. Donc, pour rendre ça très concret, vous connaissez probablement les imprimantes Xerox qu'on trouve dans les immeubles à bureaux. Il faut savoir que ces imprimantes-là n'appartiennent pas nécessairement à l'entreprise qui occupe le bureau, par exemple, mais est toujours la propriété de Xerox. Donc, Xerox qui en conserve la propriété et la responsabilité d'en faire la maintenance. Donc, finalement, ce que l'utilisateur va payer, c'est vraiment la copie, donc l'impression papier, donc le service pour lequel elle a besoin de l'imprimante. Alors ça, ce que ça peut faire au sein d'une entreprise, ben ça encourage l'entreprise à innover, à faire de l'éco-conception parce que, évidemment, Xerox veut que son imprimante brise le moins possible. Donc, c'est encore une stratégie là, de l'économie circulaire de conserver la matière là, le plus longtemps possible et d'optimiser son cycle de vie. Donc, éco-conception, parce qu'il faut y penser d'abord avant même de réaliser quelque chose. Au lieu de dire, on a produit quelque chose, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec? C'est même d'y penser avant même qu'on ait commencé. Oui, exactement. Okay. Dans la conception même du produit. Donc, on va chercher à le faire le plus durable possible, à le faire avec des pièces qui peuvent être remplacées, réusinées, donc remanufacturées, avec peut-être même des matériaux qui vont être recyclables ou recyclés. Donc, on est vraiment dans la conception durable de la matière. Jusque dans le modèle industriel, là, je voyais ça, il y a ça aussi, là. Oui, exactement. Donc, une autre stratégie qui est largement documentée, on va parler de l'écologie industrielle. Donc, l'écologie industrielle, simplement, c'est quoi? C'est une façon d'optimiser l'utilisation de la matière. Donc, on va parler de faire, par exemple, des déchets des uns, les matières premières des autres. Donc, on a un exemple de ça aussi tout près de chez nous, donc au parc industriel et portuaire de Bécancour, dans lequel on trouvait une usine qui s'appelle Olin, qui, elle, dans son procédé, avait un résidu d'hydrogène gazeux, donc qui devait finalement traiter là, en fin de procédé. Et puis, tout près de là, il y avait une autre industrie qui s'appelle Arkema, qui, elle, produit du peroxyde d'hydrogène à partir d'un hydrogène liquide qu'elle importait là, d'outre-mer. Donc, vous aurez compris que d'un côté, on a un hydrogène gazeux De l'autre, on a un hydrogène liquide. Donc, tout ce qui manquait, finalement, c'est une troisième compagnie qui s'appelle Hydrogénal, et qui s'occupe de conditionner l'hydrogène gazeux en hydrogène liquide pour finalement permettre à la fois à Arkema de s'approvisionner en hydrogène liquide à proximité, puis à Olin de se départir de façon rentable d'un résidu d'hydrogène qui pouvait nécessiter des coûts là, à traiter auparavant. Ben c'est ça aussi, c'est le grand argument, c'est que déjà juste la fibre écologique peut nous pousser à poser des gestes, mais on sait très bien que dans le milieu industriel, on peut dire « c'est bien le fun ce que tu me dis, mais encore, moi je dois savoir combien ça me coûte ». Or, il y a un attrait typiquement, froidement, même presque mathématique, économique là, à ça, là. Tout à fait. En fait, on parle à la fois de l'approvisionnement, donc on vient diminuer les coûts au niveau de l'approvisionnement en utilisant une matière qui n'est pas neuve, finalement, et à la fois, quand vient le temps de se départir de nos matières résiduelles qui peuvent nécessiter des coûts de traitement importants, tout dépendamment de la matière, eh bien, on parvient à faire des économies, non seulement en évitant ce coût de traitement-là, mais parfois même en vendant cette matière-là, en ouvrant de nouveaux marchés, finalement. Exact. Jean-Claude, des commentaires? T'as écrit des choses, là? Bien, peut-être pour trahir mon âge, c'est que moi aussi, ce que tu as dit tantôt, c'est des soupes à l'ancienne, parce que j'ai connu ça un peu. Quand j'étais dans les scouts en 1960, quelque chose, là, on ramassait du papier, on faisait des collectes de papier, puis c'était recyclé pour quelque chose. Mais moi, qui viens de Drummondville, ça veut dire quelque chose qui je pense, illustre bien le concept qu'Audrey mentionnait tantôt, le concept d'écologie industrielle. C'est que à Drummondville et à Victoriaville, là, au centre du Québec, il y a une espèce de tradition de recyclage de matériaux, et notamment, ça a donné naissance à la compagnie Cascade, qui est devenue une multinationale de grande envergure, à partir de Kings Falls, un village, une petite ville des cantons de l'Est. Bien, ça, c'était à partir, dans le fond, c'est que les frères Lemaire ont compris qu'avec des résidus de papier, des déchets, dans ce cas-là, c'était le papier, puis les cartons, étaient capables de produire, de recycler, faire de nouvelles fibres, puis de faire un substitut, finalement, aux fibres traditionnelles émanant des épinettes noires du Québec. Donc, et à partir d'un concept de recyclage industriel, d'écologie industrielle, on a donné naissance, il y a 30 ou 40 ans, à une grande multinationale au Québec. Je pense que c'est un exemple intéressant, mais ça illustre bien le défi aujourd'hui, à mon avis, c'est de trouver de nouveaux exemples comme celui-là, c'est-à-dire des cas où des entreprises ou des industries peuvent se compléter dans des secteurs différents, peuvent se compléter parce qu'ils ont un intérêt commun, un ayant un intérêt à recycler les déchets de l'autre, finalement. On va faire une courte pause pour la voix, puis à quelques secondes, on revient. De musique aussi, c'est du recyclage, mais du beau recyclage. Poursuivons donc notre sujet d'économie circulaire avec cette voix FM que vous entendez, qui est la mienne. Je ne vous ai pas trompé de poste. Donc, Audrey, si on parle maintenant de en quoi c'est applicable chez nous, parce qu'on peut se dire c'est le fun, là, on a des exemples très bien, mais c'est quand même bien implanté et plus qu'on peut même peut-être le penser, là. Mais tout à fait, en fait, je reviens toujours sur ce que vous avez dit, Jean-Claude, mais ce n'est pas nouveau. Il y a des exemples, des cas, en fait, qui sont très bien documentés à l'international. Je pense, entre autres, au cas de Kalundborg au Danemark, qui existe depuis les années 70 de façon très structurée. Donc, on parle d'une symbiose dans un parc industriel, puis une ville en entier, parce que c'est une ville portuaire, Kalundborg, d'une cinquantaine de milliers là, d'habitants. Et le projet est parti finalement de manufacturiers qui se sont rendus compte qu'effectivement la ressource s'épuisait, les prix en énergie et en matières premières augmentaient. Donc les ingénieurs se sont assis à une table pour savoir finalement quelle serait la meilleure solution pour contrer un peu cette situation-là. Et puis ils en sont venus à une stratégie d'écologie industrielle, donc dans laquelle on voit une raffinerie de pétrole avoir des besoins en eau quand même importants et donc des rejets d'eau usée également importants, qui fournit à présent une centrale électrique qui elle aussi avait des besoins en eau pour de, le refroidissement finalement de la centrale. Donc on vient reprendre l'eau usée de notre compagnie de raffinerie de pétrole pour refroidir les systèmes de la centrale électrique. Et cette eau-là résiduelle de la centrale électrique qui est à présent chaude sert à réchauffer les foyers donc de la municipalité. Donc, des cas comme ça, on en a à l'international de mieux en mieux documentés puisque certains avant nous ont emboîté le pas depuis maintenant quelques années. Mais également, comme j'en parlais tout à l'heure, on a le cas ici de, du parc industriel et portuaire de Bécancour. Ouais. Donc, il y a son système d'économie circulaire là, qui est bien avancé également, puisqu'on en parle depuis déjà là, le début des années 2000, si on veut. On parle, entre autres, de 12 entreprises qui ont un potentiel de 40 échanges ou maillages entre elles de matière et d'énergie pour des retombées économiques d'1,6 million de dollars. Pour 12 entreprises. Pour 12 entreprises. Okay. Il y a des avantages aussi, selon une étude du Club de Rome, il y a moyen d'avoir aussi un peu de chiffres et de savoir à quoi on a affaire. Tout à fait. Donc, l'étude en tant que telle, c'est l'étude du cas de la Suède qui se déroule finalement sur 15 ans. Et dans l'étude, finalement, on s'est rendu compte que d'un point de vue économique, des projets d'économie circulaire avaient un potentiel d'augmenter le PIB de la Suède de 3 % sur une période de 15 ans. Donc, bon, quand même. Relativement important, intéressant. Également des retombées environnementales, hein, parce que l'idée derrière l'économie circulaire, c'est également d'atteindre l'objectif zéro déchet, zéro GES. Donc, dans cette étude de cas de la Suède-là, on notait une diminution de 70 % des émissions de GES. Donc, ça nous permettrait sans doute d'atteindre nos objectifs là, également ici. Et finalement, au point de vue social, donc on a noté une augmentation de l'emploi de 100 000. En fait, on a créé 100 000 nouveaux emplois à travers des procédés d'économie circulaire. C'est quand même, évidemment, moi, c'est le zéro déchet que je trouve très, très ambitieux. Diminuer les gaz à effet de serre, c'est une chose. Le zéro déchet, je me dis, avec la société de consommation qui est la nôtre, c'est une belle marche. Oui, mais on l'espère fortement. Bien sûr. Il y a des exemples, même ici, localement, il y a un beau projet dont on a entendu parler d'ailleurs dans les médias auquel tu es mêlé. Mais tout à fait, en fait, c'est le projet Économie circulaire Capitale nationale. Donc, c'est un projet qui émane du Conseil régional de l'environnement de la Capitale nationale, organisme où je travaille et où je suis donc coordonnatrice de la gestion des matières résiduelles. Donc, c'est on va l'appeler le CRE, donc pour raccourcir un peu le tout. Le CRE, c'est un organisme qui a pour mission d'implanter les valeurs de développement durable dans le développement régional. Donc, moi, mon mandat, c'était concentré un peu sur la gestion des matières résiduelles. Et puis, après plusieurs démarches, plusieurs projets, je me suis rendu compte relativement rapidement que la gestion des matières résiduelles, c'est pas nécessairement un sujet qui intéresse ni monsieur et madame tout le monde, ni l'industrie. Ouais. Donc, je me suis un peu creusé la tête, puis fait mes recherches, en fait, mes devoirs, et je suis tombée sur ces initiatives d'économie circulaire-là qui finalement ont soutenu le projet là, qu'on présente avec le CRE aujourd'hui dans la capitale nationale. Donc, c'est un projet qui a été lancé, vous l'avez dit, David, le 6 septembre dernier. Donc, c'est tout récent. Ouais. C'est un projet pilote qui va s'étaler sur 2 ans. Et c'est un projet qui s'inscrit dans une approche territoriale. Donc, si on veut atteindre le zéro GES, comme on en parlait tout à l'heure, il faut s'assurer qu'on fait des boucles de plus en plus courtes. Donc, ces échanges-là dont on parle depuis le début de la chronique, mais il faut qu'elles se fassent sur un territoire restreint si on veut optimiser leur impact. Donc on comprend bien. C'est sûr que si on transporte des choses sur des kilomètres et des kilomètres, on lutte contre nous-mêmes, là. Exactement. Ouais. Donc, d'un point de vue environnemental, on émet des GES, mais aussi d'un point de vue économique, mais ça coûte plus cher. Ouais. Donc, on répond pas, on n'atteint pas nécessairement nos cibles. Alors, le territoire ciblé, c'est un territoire industriel, parce que les industries sont, on se le cachera pas, quand même de gros générateurs de matières résiduelles, de gaz à effet de serre. Et les trois zones ciblées, donc précisément ici dans la ville de Québec, ce sont le parc industriel de Beauport, la zone industrielle de la Canardière et la zone portuaire. Donc, au cours des deux prochaines années, on va travailler avec eux, mais en amont de tout ça, on est actuellement dans une démarche de mobilisation des acteurs. Donc, dans le fond, l'économie circulaire, c'est aussi une grosse collaboration entre différents acteurs du milieu, que ce soit du milieu municipal, gouvernemental, les experts de l'économie circulaire, également le niveau de la connaissance, donc les universités, les centres de transfert technologique, etc. Donc, on est actuellement en train de mobiliser l'ensemble de ces acteurs-là pour essayer de créer l'espèce de filet qui va soutenir l'économie circulaire tout au long de son déploiement. Qu'est-ce que ça a de l'air, la volonté, l'état d'esprit, où est-ce qu'on en est à cet égard-là? Alors, la réponse est très favorable à l'économie circulaire. Donc, autant dans le milieu décisionnel que dans l'industrie même ou dans les milieux de transfert de connaissances. Donc, la réception, elle est excellente. Je pense qu'on était rendu à ce stade-là à Québec, mais également au Québec. Donc, on emboîte le pas après plusieurs villes, pays, outre-mer, mais quand même, on demeure des pionniers. Puis, je vous avouerai que l'international se tourne également vers nous pour voir où on s'en va avec ça, quelle est notre démarche, comment on va y arriver. Puis, on commence à intéresser, là, je pense, à des partenaires en France, entre autres. Là. Donc, la réponse, elle est super bonne. Ça veut dire, il y a quand même des soutiens financiers. Je sais que la Ville de Québec donnait un petit montant. Ça m'apparaissait pas beaucoup. Je sais pas. Je pense que c'était 25 000, ce que je lisais dans l'article. Oui, tout à fait. Bon. Donc, la Ville de Québec participe. Pour le reste du financement, on essaie de trouver d'autres bailleurs de fonds ou un modèle d'affaires qui nous permettrait de soutenir là, l'économie circulaire. Et puis, ça va bien. On n'a pas encore des réponses à vous fournir, mais... Non, mais de toute façon, c'est vrai que la dynamique, il faut qu'elle parte aussi notamment du milieu politique. J'ai vu les commentaires de M. Labeaume qui était dithyrambique. Quand tu sens que le politique a le goût de pousser, au moins, sans doute, que ça risque de convaincre un peu le secteur industriel. Mais secteur industriel, s'il n'y a pas de chiffres, s'il n'y a pas de données, il y a autre chose que des bonnes volontés, sauf que vous êtes capable de les sortir. Là. C'est ça que vous êtes capable de les convaincre un peu. Exactement. Puis ça va être le travail là, quand on va faire le suivi de nos indicateurs au cours des deux prochaines années, que ce soit avec les milieux universitaires, les logiciels qu'on a aujourd'hui, on va être capable de suivre des indicateurs économiques, des indicateurs sociaux de création d'emplois, des indicateurs de diminution de tonnes de matières résiduelles, de GES, etc. Donc ça va être une panoplie de chiffres qu'on va être en mesure de produire là, au cours du projet pilote. Donc c'est quand même intéressant. Là, dans le cadre, ce qui va se passer dans le cadre des deux prochaines années va être très intéressant. C'est déjà tout le temps qu'il est rendu quand même 28 déjà. Merci beaucoup, Audrey. De toute façon, tu restes avec nous, c'est ce que j'ai compris. On va continuer de bavarder un peu de ça après la pause, si tu veux bien. Avec Donc plaisir. Une courte pause et on revient dans quelques instants. C'est l'émission Econophile qui se poursuit au 89.1. David Lemelin au micro et sa voix sexy, en compagnie de l'économiste Jean-Claude Cloutier et Audrey Roberge aussi, qui reste avec nous encore quelques minutes pour parler d'économie circulaire. Jean-Claude, beaucoup de choses intéressantes. Évidemment, on parle de... Il y a des vœux là-dedans, des souhaits importants, mais mise en œuvre, c'est quand même quelque chose de considérable. Ben, c'est-à-dire que c'est un gros défi, parce que moi, je trouve que c'est quand même quelque chose de, jusqu'à un certain point, quelque chose de révolutionnaire, parce que on s'attaque à des valeurs de base de la société actuelle, notamment la consommation à outrance. Oui, oui. Puis, moi, ce que j'aime beaucoup, puis Audrey l'a mentionné tantôt, une dimension très importante, c'est la dimension locale, régionale, territoriale. Ça, en fait, c'est le contrepoids de la mondialisation, c'est-à-dire que plutôt que concevoir l'économie au plan mondial, c'est-à-dire on conçoit des biens, on conçoit des choses dans un pays, on les assemble dans un autre, puis on les vend dans un troisième, puis on les finance dans un quatrième. Là, toute l'économie locale sera intégrée, c'est-à-dire plus possible, en tout cas pour diminuer les distances, puis donc toutes les nuisances environnementales qui résultent là, du transport des biens sur de longues distances. Ça, moi, je trouve ça révolutionnaire, s'attaquer à la mondialisation jusqu'à un certain point, oui, et à la consommation. Donc, ça fait partie des difficultés. Puis une des difficultés, dans le fond, c'est de mettre un prix, c'est de se montrer que c'est rentable. Oui. Et ça, ça peut prendre un petit peu de temps. Là. Puis au niveau des moyens, bien, je pense que les gouvernements auront un rôle à jouer. Puis, on revient toujours, dans le fond, à la notion de taxe verte, à la notion d'éco-fiscalité. Si on mettait vraiment un prix sur les nuisances environnementales, peut-être que ça donnerait une impulsion supplémentaire là, à l'économie circulaire. En tout cas, ça lui permettrait de démontrer rapidement qu'il y a des gains qui sont possibles à cet égard-là. Oui, parce que l'histoire démontre aussi quand même que très souvent, malheureusement, ça prend des gestes pour forcer la main, hein, de l'industriel, notamment manufacturier, pour dire « changez vos pratiques, la pollution est une réalité ». On a vu des histoires plates ici et ailleurs, notamment aux États-Unis, où il y avait des gens qui espéraient juste pas se faire de pogner en train de polluer. Il faut penser plus loin que son nez, il faut avoir cette conscience-là. Et malheureusement, on dirait que souvent, il faut qu'il y ait un geste fort et pas juste dire « on espère que les gens vont embarquer ». Bien, c'est-à-dire, dans ce genre de problématiques sociales, environnementales ou de nouvelles façon de voir l'économie. L'Europe est souvent en avance sur, ouais, sur les États-Unis ou sur l'Amérique du Nord, disons, le Canada et même l'Asie. Peut-être parce que les Européens sont habitués de vivre de façon plus entassée les uns sur les autres. Mais on a eu l'exemple, on l'a vu dans la littérature, ce qu'on a consulté cette semaine, David, l'exemple de la Suède, là, qui, depuis quelques mois, imposerait une taxe, là, enfin, aurait réduit des taxes de moitié, les taxes à la consommation de moitié. Il faut dire qu'à le bas, elles sont à 25% en Suède, donc ça fait une différence quand tu baisses de moitié, sur les réparations d'objets. Quand vous faites réparer, ouais, un objet, plutôt que vous coûtez 25% de taxes pour le service, ça coûte 12,5%. Et on peut également déduire du revenu imposable la moitié des frais de réparation d'un électroménager. Comme cette semaine, j'ai fait réparer mon broyeur dans l'évier. Ça m'a coûté 125 $. Alors en Suède, ça m'aurait coûté 62 $. C'est quand même pas négligeable, mais surtout, il y a une valeur symbolique à ça. Ça incite les gens à penser en termes de réparation des objets. Donc, mais là, on voit qu'un gouvernement qui a eu le courage de dire, ben là, voici, on agit avec la fiscalité qui est un instrument important parce que c'est un instrument qui modifie les règles du marché. Il y avait des choses intéressantes de ce que tu m'as envoyé. Si tu me permets, je vais juste lire un tout petit bout où on dit que le recyclage de matières premières déjà utilisées, qui est quand même la clé là-dedans, ne serait pas non plus quand même suffisante à elle seule pour régler le problème. Donc, c'est pour ça qu'il faut voir assez large. Je lis cet extrait qui vient du journal Les Échos. L'économie circulaire ne peut plus en effet s'en tenir à la seule récupération de la matière première déjà utilisée. Si tout le cuivre était recyclé, on ne couvrirait que 37% de la demande, lit-on dans un article des Échos en France. Il y a ça aussi, effectivement, parce que ça interpelle franchement et directement la simple grande idée de la surconsommation, oui, forcément, là. Bien, l'autre élément là-dedans qui me frappe, moi, c'est que je trouve que l'économie circulaire est un concept fédérateur parce qu'on peut relier à la fois des gens de la gauche puis un peu de la droite, c'est-à-dire parce, ouais, qu'il y a derrière ça l'idée que l'économie actuelle, c'est bien gentil, mais si on manque de cuivre en 2045, ben oui, comme disait l'article, on ne pourra pas aller très loin avec bien des choses. C'est... Puis le cuivre est un exemple parmi d'autres parce qu'il y a possiblement des difficultés dans la majorité des matières premières. De sorte que même l'économie plus traditionnelle a intérêt à penser en termes d'économie circulaire pour s'assurer d'avoir toujours de la matière finalement utilisable pour fabriquer différents produits. Dans le même article, on disait aussi, aujourd'hui, il existe bien d'autres leviers d'action. Les entreprises développent l'achat responsable, comme on en parlait tantôt, dans le cadre de leur politique et l'éco-conception, hein, n'est-ce pas, qui consiste notamment à élaborer un produit réparable. Ça se ferait un chemin, mais sa progression au plan national est difficile, donc on sait qu'il y a du chemin à faire. C'est la voie qu'a choisi, par exemple, Michelin. Le groupe ne s'attache plus tant à distribuer des pneus qu'à vendre les kilomètres qu'ils permettent de parcourir. Je ne sais pas si tu étais au courant, c'est probablement, Audrey, je présume. Oui. Son intérêt étant de les faire durer plus longtemps, le fabricant va jusqu'à participer à la formation des chauffeurs pour réduire les délais d'usure. Tout le contraire des modèles économiques basés sur l'obsolescence programmée et le remplacement accéléré d'objets terriblement consommateurs de matière. Ça aussi, c'est très intéressant. Oui, tout à fait. Puis c'est un exemple qu'on aurait pu nommer plus tôt parce que Michelin, dans le fond, ce qu'ils font pour s'assurer d'avoir un produit plus durable, donc qu'ils auront moins à réparer, moins à changer, c'est qu'ils vont mettre des puces à même le pneu pour s'assurer que la pression des pneus est toujours bonne. Donc, quand on parle de la formation des transporteurs, effectivement, donc c'est de leur apprendre à utiliser de nouveaux outils comme ça pour rendre finalement le produit beaucoup plus durable sur le marché et répondre finalement à un besoin de consommation qui est en expansion finalement avec une quantité de matière réduite. La chose plus attrayante. Jean-Claude? Ben, c'est un peu c'est ça. C'est un peu l'idée, dans le fond, de mettre un incitatif économique. C'est de jouer, dans le fond, le jeu du marché, de dire on va mettre un incitatif économique pour la réparabilité ou pour réduire l'obsolescence ou pour encourager le recyclant. C'est là que la clé du développement de l'économie circulaire, je pense, repose là-dessus. Il faut réussir à jouer le système. Dans le fond, jouer avec le système contre lui-même, c'est-à-dire mettre des incitations économiques via le gouvernement ou autrement. Michelin a quand même été un précurseur ça là-dedans. Ils ont compris eux-mêmes, sans que le gouvernement les force, je pense, qu'il y allait de leur intérêt, dans le fond, à assurer que leurs produits soient durs le plus longtemps possible. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter, Jean-Claude, dans ta petite liste? Ben, j'aimerais juste, au niveau de la réparabilité, encore l'exemple d'un pays européen, la France, dans ce cas-là, qui a passé une législation contre l'obsolescence planifiée, des amendes de 300 000 euros ou de 5 % des ventes annuelles pour les manufacturiers qui dans le fond, trichent un peu, mettent de l'obsolescence planifiée dans leurs produits, qui s'assurent que le produit soit défectueux au bout de 3 ans ou de 4 ans. Ça reste à voir comment est-ce qu'ils vont réussir à faire la preuve là-dessus, qu'il y a eu malversation, mais il reste que c'est intéressant. Mais surtout, quand là, c'est une démarche de sensibilisation. Enfin, ce qu'on fait, on met ça dans le jeu de la concurrence, que les manufacturiers doivent se concurrencer sur la durabilité et la réparabilité de leurs produits. Ça, je trouve ça intéressant comme symbole, finalement, de législation. Je trouve que ça en dit beaucoup aussi sur l'aspect psychologique des choses, c'est-à-dire qu'il faut réussir à les convaincre de cette manière-là. Sinon, ben, il y a le coercitif qui, visiblement, est aussi un outil absolument c'est indispensable, malheureusement. Merci beaucoup à vous. Merci, Audrey, pour ton passage très apprécié. Et puis, on va certainement reparler d'économie circulaire en boucle de temps en temps. Merci. Mais merci pour l'invitation, David. Alors, c'est le moment de la chronique d'Isabelle Vaillancourt. Bonjour, Isabelle. Bonjour, David. Bon, j'ai le bon micro, c'est merveilleux. Isabelle, moi, j'étais content quand tu as proposé. Tes sujets me plaisent toujours, remarque bien, là, mais les trottoirs, c'est une bonne affaire, je trouve. Et on parle pas de faire le trottoir, mais en tout cas différemment. la valeur de ça, ça peut être économique, ça peut être social. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Oui, il y a beaucoup de choses à dire sur nos trottoirs. Vous savez, David, lors de ma dernière chronique, je vous avais annoncé que je travaillais pour un organisme qui s'appelle Sa Marche d'A, qui sont des émissions hebdomadaires, mais qui sont aussi des marches hebdomadaires dans différents quartiers de la ville. Et nous, on se préoccupe beaucoup des liens qui existent entre les différents problèmes de santé puis l'aménagement de nos villes. Et cette semaine, je me suis posé la question suivante: combien vaut un trottoir? J'ai pas vraiment de chiffre particulier à vous proposer, là, mais j'ai surtout quelques pistes de réflexion à partager avec vous. D'entrée de jeu, là, je veux vraiment faire un statement. On assiste depuis quelques années vraiment à un phénomène qui est bien particulier dans certaines villes, c'est la maltraitance de nos trottoirs. C'est vraiment pas... Il n'y a pas d'association qui existe encore, ce ne sont pas regroupés. Mais d'abord, certaines villes... Trottoirs de tous les pays, unissez-vous. D'accord. Il y a certaines villes qui, quand, par exemple, on fait une réfection de route, on ouvre les routes, quand on refait la rue, on décide, on va seulement installer un trottoir sur deux. Ça, ouais. C'est fréquent dans plusieurs villes. Autre chose aussi, en hiver, là, c'est vraiment très à propos, quand on déneige seulement un trottoir sur deux. Il y a certaines villes comme Québec qui vont avoir des secteurs prioritaires près d'un CPE, près d'une résidence pour personnes âgées, mais la réalité est la même, on déneige un trottoir sur deux dans certains cas. Et il y a d'autres villes, c'est encore pire, David, on décide vraiment d'abolir les trottoirs, on veut éliminer certains trottoirs. Donc aujourd'hui, je vous parle de l'impact économique du trottoir dans nos villes qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. Mais quand même, je pourrais penser à des villes en particulier, il y a des choses qui me viennent en tête, mais c'est quand même quelque chose, parce que c'est une mesure d'économie, malheureusement, une mesure d'économie là, concrète pour eux, quand ils disent on va déneiger un sur deux, là, on vient d'enlever de l'argent sur la facture, mais on n'est pas conscient du coût social que ça peut avoir, donc l'avenue que tu nous amènes, là, économique, parlons-en d'abord, ça a une valeur. Vous allez voir, c'est comme des économies de bout de chandelle, finalement. Oui, vraiment. Je vous ai déjà parlé de l'impact économique de plusieurs maladies, hein. C'est un point économique très important sur notre société, juste le diabète. Par exemple, on parle d'un fardeau économique de 3 milliards de dollars en coûts directs puis indirects au Québec. Oui. Je vous ai parlé la semaine dernière de l'obésité, c'est la même chose. Et ces maladies-là ont un point en commun, c'est vraiment la sédentarité. Et la sédentarité, c'est l'exercice physique. Il y a le docteur Paul Poirier, qui est cardiologue, qui est porte-parole de Samarjda, qui a l'habitude de dire que l'exercice physique, c'est meilleur qu'une pilule. Et les trottoirs, c'est vraiment de l'activité physique. Juste quelques chiffres, là, en vrac, on observe une augmentation de 33% de la prévalence du diabète de type 2 chez des gens vivant dans des quartiers peu propices à la marche. Peu propice, ça veut dire qu'il n'y a pas d'aménagement, qu'on ne se sent pas en sécurité finalement. Aussi, il y a une étude canadienne qui a été réalisée, puis elle a conclu que les personnes qui vivaient dans des zones où il y a des aménagements piétonniers étaient deux fois plus susceptibles de marcher, de faire du vélo ou d'utiliser le transport en commun. Il ne faut pas oublier le transport en commun non plus. Et les personnes qui vivent dans des endroits qui sont moins accessibles, eux, étaient jusqu'à un tiers plus susceptibles d'être obèses ou de souffrir de diabète. Donc, on parle d'espace vert aussi. Si on a un espace vert, puis en plus, on a des installations sportives, là encore, là, il y a une relation qui est significative avec les maladies cérébrovasculaires. Plus la population est éloignée, plus on a un taux de diabète qui augmente. Plus, hein? Fait que c'est vraiment, ouais. Là, c'est très, très clair. C'est des études de pointe. En fait, c'est un domaine qui est quand même assez récent dans la recherche. Voilà. C'est un peu la même chose que l'économie circulaire. Il faut mettre des chiffres sur la table pour convaincre les gens que non, il y a une réalité économique avec des piastres. On peut mettre Absolument. Des chiffres au bout de ça. Ou faut s'enfarger dans un trottoir. Ou encore. Pas entretenu pour le savoir. Exact. Et il y a aussi des impacts, je ne sais pas si vous voulez continuer sur les impacts économiques. En tout cas, il y a un impact social, certainement, important aussi. Absolument. Un trottoir dans un désert, ça n'a pas la même valeur que, par exemple, ici à Limoilou, hein, quand on parle de commerce de proximité, de café. Écoutez, les gens se promènent, jasent. Je regardais juste ici au coin là, de CKRL, il y avait un banc cet été. Les gens sont... D'ailleurs, est-ce que les gens arrêtent de s'asseoir parce que c'est l'hiver? Je me suis toujours posé la question parce que là, le banc, il n'est plus là. Fait que vraiment, c'est très important. Les gens socialisent ensemble. Qui dit trottoir, on dit aussi arrêt d'autobus. Donc, le trottoir, c'est comme un chaînon manquant là, dans l'espèce de relation que les gens, les composantes de la ville. Donc, c'est comme le trottoir, c'est le ciment des relations sociales de la ville. Aimez-vous ça? Moi, j'aime beaucoup ça. Mais oui, je sais qu'il enlève le mobilier urbain, notamment pour le déneigement, parce que ça a l'air que c'est compliqué de ne pas les accrocher l'hiver. C'est un peu triste en même temps parce qu'on perd des occasions. L'hiver, c'est tout aussi agréable. En tout cas, tu t'habilles puis tu peux marcher très bien. Là, Absolument. Puis pourquoi on n'y aurait pas une pensée lors de la conception des villes pour concevoir le mobilier urbain, pour qu'il s'intègre, pour que le déneigement soit quand même assez simple? Là. Je veux dire, il me semble que ça se pense par du monde, ça. Hein? Parce que je comprends que le poids de la neige, par exemple, sur les petites planchettes de bois, tu te dis, bon, ben, avec le temps, ça finit par s'écraser. Mais encore là, il y a moyen de concevoir quelque chose qui peut être un peu plus durable, un Absolument. Peu plus efficace. Poursuivons sur, est-ce que tu es encore sur les impacts sociaux? Non, j'ai terminé. On irait avec le prochain, c'est-à-dire impact psychologique, rien de moins. Oui, oui, et c'est très intéressant. Ça, c'est de mon cru, en fait. Là. Je vous dirais que c'est bon pour le mental parce qu'en fait, il nous fait sentir en sécurité le trottoir. Je regarde juste, évidemment, tout ce qui est aménagement urbain. On parle de traverse piétonnière, de trottoir, de mobilier urbain. Ça fait beaucoup ralentir les voitures dans les quartiers résidentiels et ça, ce que ça permet aux gens de se sentir en sécurité. Ça diminue la vitesse. Autre chose choses aussi. Là, on en parlait tout à l'heure, le déneigement, on parle des trottoirs aussi, des personnes âgées. On a une population vieillissante. Donc, c'est très important, le déneigement, pour que les gens se sentent en sécurité. Donc, tout le sentiment de sécurité, ça permet que les gens, par exemple, une personne âgée passera pas l'hiver sans sortir. Ça va lui permettre de sortir, de se sentir en sécurité, d'être en forme, parce que c'est ce qu'on veut, que les gens, ultimement, marchent. Donc, c'est vraiment très important. Et je veux terminer ma chronique, David, en vous parlant d'un site Internet qui s'appelle WalkScore, comme marchéscore.com. Et ça, vous pouvez aller sur ce site-là et vous entrez votre adresse et ça va vous... vous allez avoir un pointage pour votre secteur pour savoir s'il est propice à la marche. Ah oui. Par exemple, j'ai rentré celui de CKRL et c'est quand même 93 %. Là, on a aussi le propice au vélo. Là, on avait un 100 %. Oui. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des services de proximité, il y a des trottoirs, c'est pas trop loin. Donc, les gens, c'est un secteur qui est pas dépendant de l'automobile, qui est très propice à la marche. Ce matin, à sa marche d'oc, on était à Cap-Rouge. On a fait le même exercice et c'était beaucoup moins propice à la marche. Je pense qu'on avait 34 %. Pourquoi? Parce que c'est un secteur qui demande d'avoir une automobile pour pouvoir y vivre pour, par exemple, les services de proximité. Est-ce qu'il y a des trottoirs? Est-ce qu'on se sent en sécurité? Est-ce qu'on peut se déplacer pour aller, par exemple, à la piscine ou au dépanneur? C'est tous des éléments qui sont pris en considération. Donc, je vous invite à aller sur le site pour voir votre propre secteur. J'en profiter quand même, ne serait-ce que pour te demander, parce qu'il y a eu aussi une petite, un peu le polémique. Patrick Lagacé écrit là-dessus. Les avancées de trottoirs, ça en fait partie, ça, de cette... quand on aménage des segments dans la ville qui sont faciles à marcher, les avancées de trottoirs, malgré ce qu'on peut en penser, c'est une bonne avenue. Ben moi, écoutez, moi, je pense, oui, je suis pas urbaniste, là, mais je vous dirais que oui, en fait, parce que c'est ça qui... d'abord, on enlève des fois certains stationnements, hein, ouais, pour les remplacer par, des fois, c'est de l'aménagement, mais tout ce qui a un impact pour limiter la circulation, il n'y a rien de pire qu'une rue linéaire où il n'y a rien autour. Ça c'est vraiment une porte d'entrée pour que les voitures circulent très vite, et là, c'est plus... il faut pas attendre qu'il y ait plusieurs accidents dans un coin de rue pour agir. Il y a certaines villes qui ont beaucoup cette mentalité-là. Puis moi, je pense que ça fait partie des belles avenues. Oui, parce que l'économiste Thaler disait ça, qu'on était assez... on est capable d'être paradoxal dans nos volontés parce qu'on veut être en sécurité. Puis en même temps, il y a des gens, les mêmes personnes vont pouvoir dire « Ah, ben cette rue-là, c'est agaçant. Il y a des avancées de trottoir. C'est étroit. C'est plus difficile de circuler. » C'est la volonté. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est que psychologiquement, quand la rue est plus étroite, quand il y a des avancées de trottoir, vous êtes obligé de faire plus attention. C'est logique et c'est souhaitable. C'est comme s'il y a des gens qui parfois pensaient que les rues ne se partagent pas. Ça appartient pas aux voitures. Je comprends qu'il y a une domination de la voiture, mais si on veut pouvoir les marcher, il faut les aménager aussi pour ceux qui les empruntent. Puis qui sont les utilisateurs les plus vulnérables de ces routes-là? D'abord, c'est les piétons, mais c'est aussi les cyclismes. Les cyclistes, l'hiver, ils ont le droit aussi d'être là. Je m'excuse, mais ça... c'est un autre débat, une autre chronique. Oui, ça serait bon. Ouais. C'est un autre débat, mais moi aussi, je suis pour ça. Merci beaucoup, Isabelle. Et puis, on va marcher la prochaine fois. Oui, la semaine prochaine, on part de Cohabitat. Cohabitat, samedi matin à 10h. Puis, on se promène dans ces sacrements. Parfait. Merci, c'est un rendez-vous. Jean-Claude, on en est au chiffre de la semaine. On était assez court en début. 1,5 milliard, ça peut être bien des choses. Mais à quoi on s'intéresse cette semaine? Bien, c'est une chose. J'essaie de retrouver la source exacte, mais je ne l'ai pas retrouvée. Mais c'est le journaliste François Desjardins dans Le Devoir de cette semaine. Au lendemain de la mise à jour budgétaire du ministre des Finances, oui, M. Lightower, il disait que le gouvernement avait informé que le 1,1 milliard de baisse d'impôts qui aurait été accordé cette semaine, ça générerait dans le PIB environ 1,5 milliard de dollars. Donc, le gouvernement dit que c'est une bonne chose de baisser les impôts parce que ça va générer davantage d'activités économiques, notamment parce que les gens vont avoir plus d'argent dans leur poche, ils vont dépenser plus, les entreprises vont investir davantage et on va même créer 15 000 emplois avec ça. L'article ne précise pas sur quelle échéance, par contre, ça semble s'entendre. C'est sur plusieurs années, mais j'avoue que j'ai été un petit peu laissé sur mon appétit, mais ça me baisser de 1,1 milliard, puis avoir seulement 1,5 milliard de retombées, ça me semble un peu modeste, mais en tout cas, il n'y a pas de quoi écrire à sa mère, comme dit l'expression, mais le 15 000 emplois me laisse très sceptique, là. Je ne suis pas sûr. C'est surtout que pour arriver là, on a coupé beaucoup, on a fait mal beaucoup, pour arriver à dire après coup, oh, on va redonner 1,5 milliard, Oui, mais l'autre affaire aussi, que comme là, c'est plus l'économiste qui parle, là, l'économiste en moi qui parle, mais quand tu regardes l'impact de cette réduction de 1,1 milliard, les classes les plus modestes, ils en bénéficient seulement de 700 $ en moyenne, parce qu'on l'a mentionné à certaines émissions précédentes, c'est les gens, dans le fond, qui sont les plus pauvres, qui vont plus dépenser avec l'argent qu'ils reçoivent. Mmh. Les riches, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont acheter davantage d'actions. Fait que ça donne pas grand-chose pour l'économie locale. Ils vont faire davantage de voyages en Europe ou en Asie. Ça donne pas grand-chose pour l'économie locale. De sorte que ceux qui ont 50 000 $ et moins comme revenus, ils vont sauver en impôt 700 $. Ceux qui ont 150 000 $ et plus, eux sauvent 1300 $. Donc, tu vois, moi, je pense que l'impact économique, finalement, de cette réduction-là est pas très important, finalement. C'est vraiment un cadeau, tout simplement. On dit aux gens, on vous donne de l'argent, puis faites ce que vous voulez avec. Mais les impacts dans l'économie, les impacts réels de stimulation de l'économie, je pense pas qu'ils soient très importants. De toute façon, les chiffres même du gouvernement, tels que cités par M. Desjardins, là, sont à l'effet que c'est pas mirobolant, là. Ouais, toi c'est l'économiste en toi qui parle, moi c'est le chialeux en moi qui parle, parce que on faisait aussi on ramenait tout ce qui a été augmenté en termes de tarifs, tout ce qui coûte plus cher entre 2014 et 2016, puis finalement on se rend compte qu'on arrive à un montant qui est supérieur à ce qu'on recevra après. Ben c'est ça. Rendu là, ça donne quoi? À part d'avoir fait souffrir les gens dans le secteur de l'éducation, le secteur de la santé, l'affaire de rien, des secteurs mineurs. Bien, comme on dit la semaine passée, c'est que les économistes sont soucieux du cycle économique. Ça, c'est les enseignements de Keynes. Mais les politiciens sont soucieux du cycle électoral. Ouais. Et ça amène à des conclusions différentes. Si jamais vous ne l'avez pas vu, d'ailleurs, je l'ai mis sur le Facebook d'Econophile, visionner l'entrevue de Gérald Filion avec le ministre Lighthouse. C'est un bijou, c'est magistral. Il fait une démonstration éclatante de la raison électoraliste pure de ce geste-là qui ne s'explique pas ben logiquement. Je comprends qu'il y a moyen de nuancer parce que le message de Gérald Filion, c'est de dire, vous auriez pu arriver à la même chose, pas en termes de surplus par contre, là, mais à tout le moins d'équilibre budgétaire, sans avoir besoin de faire souffrir. Donc, votre raison, c'est quoi autre qu'électoraliste? Et il le bégaye. Il n'est pas capable de dire autre chose que des affaires qui me découragent. Bref, c'est l'histoire qui se répète peut-être, Jean-Claude, je ne sais pas, là. C'est plus toi l'expert en politique que moi, mais je pense que oui, c'est des choses qu'on entend assez régulièrement, malheureusement. Mais il disait aussi quand même que le stop and go, c'est même pas une mesure de saine gestion. Ça a été dit, ça, quand même. Bien, on l'a mentionné même à cette émission aussi, c'est que, puis je viens de le répéter, dans le fond, c'est vraiment pas les enseignements du keynésianisme. C'est-à-dire que quand ça va mal, normalement, tu dépenses davantage. Puis quand ça va bien, tu rembourses tes dettes. Le gouvernement actuellement fait exactement le contraire depuis qu'il est au pouvoir, le gouvernement actuel. Ce matin, j'ai mis la main sur des statistiques dans ma revue préférée, The Economist. Le Québec fait vraiment exception dans le monde. Présentement, en 2017, il y a 85 % des pays là, qui sont en déficit budgétaire. Le Québec est un des... parmi les 15 %, puis c'est pas des gros surplus en général. Le Québec, depuis quelques années, est parmi les quelques 15 % d'administration publique qui font des surplus. Puis parmi ceux qui font des déficits, c'est pas n'importe qui, là, c'est les États-Unis puis la Chine qui en font la tour de bras. Ouais. Donc, on est un peu en marge, finalement, de ce qui se fait dans le monde présentement. Le Québec, évidemment, c'est une société distincte, comme tout le monde le sait. Mais oui, effectivement. Mais c'est surtout le fait qu'en plus, en ayant choisi, dans le fond, de saupoudrer, comme on disait la semaine dernière, au lieu de régler un ou deux secteurs très forts de manière à faire des changements qui sont concrets, on préfère faire des petits cadeaux et espérer après ça en recevoir les fruits lors des prochaines élections. On verra. Merci, Jean-Claude. On Bon, voilà ce qui termine notre émission pour cette semaine. Merci beaucoup à Jean-Claude Cloutier pour collaboration, recherche. Merci à notre invité Audrey Roberge qui était ici live en studio. Merci beaucoup. Et puis, merci aussi à Isabelle Vaillancourt qui aussi était là. Il me reste 30 secondes, j'ai fini, je vais aller me reposer la voix. Merci beaucoup pour la chronique. La semaine prochaine au menu, Jean-Claude, qu'est-ce qu'on a au menu? Je ne m'en souviens même pas. On va parler de l'endettement des ménages. On pensait que c'était un sujet en lien avec le temps des fêtes, là, puis le vendredi fou d'hier, là, c'est dans l'air du temps. Merci. Donc, bonne semaine. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux ou à écouter en balado. Visitez econophile.net. Merci et à samedi prochain.